qui est parti à notre place alors ? Bah tu vois, ils sont en train de s'installer. Ah oui, tiens, je suis pas encore bien réveillé du repas d'hier. Coupier, Mitty, The Chaff. Tiens, Zilan aussi ? Oui, et Yggdrasil Vanaheim. Qui ? Un serial killer. Ah, Yggdrasil Vanaheim. Ce même. Bref, je me demande s'ils ont vraiment fait mieux que nous. En même temps, ils n'ont sûrement pas fait pire. Au moins, on a retrouvé la montre flic-flac de Destrocor. En partant chasser une bête sauvage et meurtrière. Meurtrière, n'exagérons rien, personne n'est mort. Pour l'instant. C'est vrai que notre mission n'a pas été une réussite. Le panier repas de Josie était pour beaucoup quand même. Ça m'avait détruit ça. Je ne comprends pas que Coupie ait voulu remettre le couvert. Coupie au couvert ? Coucou au pivert. Tu écoutes vraiment trop de vieilles sagas pour le Weekly MP3. Je crois bien, oui. Pour revenir à Coupie, ça ne m'étonne pas. C'est elle qui avait dirigé notre première équipe. Elle a dû avoir du mal à digérer l'échec. Il n'y a que ceux qui ne font rien qui réussissent tout. C'est vrai. Au fait, Majero, c'est toi qui t'occupes du sound design de leur aventure ? Non, ils ne m'ont rien demandé. Mais j'ai cru comprendre que Zilan s'en était chargé. Ah, cool ! Ça va être sympa aussi. Hey, bonjour à tous. Ah non. Dites-lui bonjour. On va pas recommencer. Bonjour Artekion. Bonjour. Ouais, salut. Non, bonjour. Bonjour, voilà. Bonjour Artekion. Merci d'avoir attiré l'attention par ici. Si vous voulez bien finir de vous installer. On est prêt. Nous allons vous raconter notre incroyable aventure. Tu avais raison, c'est Zilan qui met l'ambiance. J'attends de voir l'incroyable aventure. Mais commençons par le début. Qu'est-ce qu'un pont suspendu ? Qu'est-ce que le Dahu ? Vraie question. C'est la bête ! C'est une bête sauvage, avec deux pattes plus courtes sur un côté. Sa particularité physique en rend la chasse passionnante. Et nous allons essayer de vous faire vivre les moments les plus palpitants de celles dont nous revenons. Tout d'abord, la chasse au Dahu se pratique avec des bâtons, qu'on tape sur les arbres. On connaît. On tape pour le faire tomber. Parce qu'il a pas beaucoup d'équilibre. Mais il faut un sac pour le capturer. Voilà. Merci à la précédente équipe de recherche pour le résumé. Ils connaissent bien les théories. C'est dommage qu'ils l'appliquent pour trouver des montres perdues. Maintenant que tout le monde resitue bien le Dahu, il y a le contexte. Depuis que nous sommes arrivés ici le 1er décembre, nous avons connu beaucoup d'accidents. Vous avez attiré le mauvais œil de la bête. Oui. C'est bien vrai. Nous avons perdu plusieurs de nos amis sur la route. Certains ont été accidentés lors des activités. Au curling, au snowboard, au ski. La sortie en raquette en a traumatisé plus d'un. Le skidoo, la pêche. Citez ce qui s'est bien passé, ça ira plus vite. Ah bah rien en fait. Exactement. À chaque fois que nous avons bougé d'un iota dans la station ou sur notre versant de montagne, nous avons connu les pires tracas. Tiens, j'ai une idée. Le responsable de tout ça ne peut pas être bien loin d'ici. Bon, ça fait froid dans le doigt. Dans le dos plutôt, non ? Ah non, moi c'est le doigt. Avec la sortie en ski, celle en raquette de Destrocorn, Silver Cherry et compagnie, puis notre première recherche du Dahu avec Ziminut, Aqua, Majero et Bort, nous avons déjà beaucoup exploré les environs. Et c'est là que j'entre en jeu. En effet, Yggdrasil a tracé sur une carte les itinéraires empruntés par les uns et les autres. Et ça n'a pas été évident, parce qu'au sein d'un même groupe, tout le monde se souvient pas des mêmes choses. On n'a pas tous un super sens de l'orientation. Il est rapidement apparu que nous n'étions jamais allés ici, sur ce plateau. Alors vous avez décidé de mettre les pieds dans le plateau ? Pas mal. Voilà. On avait conçu un super plan pour capturer la bête hier. Mais tout le monde est tombé dans un brusque état de sommeil après le repas. Yggdrasil a eu la révélation ce matin. Et nous avons décidé de partir en exploration sur ce plateau. Je vois... J'ai l'impression que je n'aurai plus jamais faim. Moi j'ai rêvé que je me faisais tatouer des Gwenadus sur tout le corps. J'ai dormi toute la journée. J'en parlais, j'ai encore mal. Ce matin, nous étions donc 5 prêts à affronter la bête sur son territoire. Les plus courageux. Oui. On aurait pu se désister. Ça ne m'aurait pas déplu, d'ailleurs. Moi non plus. Mais personne n'a osé le faire en premier. Et c'est comme ça que nous sommes partis à la chasse au Dahu. Incroyable aventure pour l'instant. Nous avons chaussé nos skis, décroché quelques fusils. Ah ouais, carrément. C'était malade. Ah, il faut ce qu'il faut. Et nous sommes partis au combat. Finalement, c'était une journée biathlon pour vous. On peut dire ça, oui. Mais avec le risque vital, qui dépasse le simple cadre sportif. Après, c'est un Dahu, c'est pas le Minotaure non plus, quoi. C'est... Non mais alors déjà, un Dahu, on rappelle, hein, ça n'existe pas. Bien sûr que si, ça existe, hein. Et je l'ai vu, moi. Ah oui, et moi j'ai vu le Père Noël. Bah oui, il y a 2 ans. Ouais. Non, façon de parler. Grushkov a raison, ça n'existe pas. Une bestiole avec 2 pattes plus courtes, qui doit toujours marcher sur le même versant de montagne, qui ne peut pas faire demi-tour, enfin... Vous ne croyez pas que c'est ridicule ? Bah, pourquoi tu faisais partie de la première expédition, Majero ? Je pensais qu'on trouverait un coupable humain qui se serait fait passer pour le Dahu. C'est différent. Le Dahu existe. Vous voyez cette cicatrice, là ? Celle sur le nez ? Entre l'œil et l'oreille ? Entre le nez et le front ? Entre la bouche et l'orteil ? Non. Celle-ci, là. Ah oui, sur la joue. J'étais pas loin, hein. C'était par une nuit d'hiver. J'avais 22 ou 34 ans, à peu près. C'est très précis. Je revenais de la vallée lorsque je l'ai aperçue. le Dahu. Il se tenait face à moi tel un monstre prêt à déchaîner sa terrible colère. Ses yeux flamboyaient, ses cornes s'élevaient. Ça a des cornes ? Deux. Deux armes effroyables, prêtes à déchirer, à transpercer, à soulever sa proie. Deux armes de mort, deux terrifiants sabres, pouvant s'abattre sur moi à tout instant. Oh, ça fait vraiment froid dans le dos. Nous avons passé de longues secondes à nous observer. Et puis il est parti. Et la cicatrice ? Hein ? Ah non, rien à voir. Je me suis cogné contre un placard dans mon chalet. Ah, mais c'est quoi le rapport avec le Dahu ? C'est arrivé la même année. Ah. La bête m'a lancé un mauvais sort. Voyez-vous ? Corrélation n'est pas causalité. N'empêche que lui, quand il parle, tout le monde l'écoute. Il a quelque chose dans la voix, faut dire. C'est bien le problème. Nous, quand on parle, tout le monde digresse. Eh bien, racontez vos exploits. Vous l'avez trouvé, le Dahu ? On y vient. Pendant que Zilan, Zotchaf et moi parcourions le plateau en faisant le maximum de bruit, Coupi et Mitty étaient en raquette et tapaient sur des arbres. Une activité un peu longue, mais qui apportait ses fruits. En cette saison ? Après 3 heures de recherche, je l'ai enfin aperçu. Ni chamois, ni lama. Il tirait une luge ? Aussi grand que moi, le pelage gris-brun, une petite queue dressée vers le haut, les pattes de droite plus longues que celles de gauche. Curieux. J'ai décroché mon fusil et tiré en l'air pour l'effrayer. Subtil. Avalanche. L'animal n'a pas bougé. Vous êtes tombé sur le seul Dahu sourd du coin. J'ai entendu le bruit, alors j'ai accouru. À ce moment-là, l'animal se retrouve avec Mitty qui vient par sa gauche. Moi face à lui, Zilan à droite et Zotchaf derrière avec son fusil. Et Yggdrasil ? J'étais indisponible. Au milieu de la recherche, il a mangé un morceau de Kunyamang de Josie. Aïe. Ah ouais, l'erreur du débutant. J'étais tellement calé que j'ai trouvé préférable de me poser dans un coin et prendre des notes sur les endroits que nous avions parcourus. Et alors ? Le Dahu ? On l'a eu. Et il est où ? C'est un peu plus compliqué que ça. On l'a eu pendant 2 minutes. Disons que pendant 2 minutes, j'étais accroché tant bien que mal. Elle a parcouru une bonne centaine de mètres comme ça. Mitty et moi avons réussi à le faire tomber. Sauf que le sac qu'on avait pris était troué. Sabotage classique. Ha ! Je l'avais dit ! Vous êtes bon en pratique, mais il faut réviser la théorie. Nous avons essayé de le ramener. Et en fait, tirer un animal vivant de 50 kilos en ski ou en raquette, ça n'est pas si évident. Surtout quand la bête a des pattes asymétriques. Vous l'avez pris en photo au moins ? L'appareil photo était dans mon sac. Et le sac était sous le Dahu lorsqu'il est tombé. C'est devenu un appareil foutu. Personne n'avait de smartphone. Pour chasser le Dahu. C'est quand même bien d'avoir un moyen de contacter les secours. On capte rien dans le coin. Je n'avais pas envie de balancer mon smartphone dans la neige. Oui, ça coûte. Moi, j'avais le mien. Ah ! Mais j'étais pas là. Mais pourquoi vous l'avez pas tué ? Oui, ça semble difficilement justifiable pour une espèce en voie d'extinction et déjà désavantagée par la nature. Après tout ce que la bête vous a fait ? Ah bon, bravo ! Rien ne prouve que ce soit elle. Tout ! Non. Je dirais même que tout prouve que ce n'était pas le Dahu. Quoi ? Pourquoi tu dis ça, Silverson ? T'as des preuves ? Bah, Liverne, je la connais, moi, la bête ! Si je me trompe pas, Zotchaf, tu as dit que le Dahu avait des pattes plus longues à droite. Oui, c'est ça. Alors, c'est un Dahu Lévogir. Ou quoi ? Lévogir, qui tourne à gauche. Le Dahu Lévogir ne peut avancer que dans un seul sens, avec les pattes les plus courtes en hauteur, sur une pente adaptée à sa morphologie. Comme ça. Oui. La plupart des accidents ont eu lieu dans la station. Or, pour rejoindre le plateau à la station, le Dahu ne peut pas avancer en ligne droite. Il doit donc suivre des versants adaptés. Voici donc, hop, le seul itinéraire possible. Quoi ? C'est beaucoup trop long ! Exactement. Voilà pourquoi ce Dahu ne peut pas être responsable de tout le déboire. Ah ouais, c'est bien vu ça. Ça, et le fait que les Dahus n'existent pas, hein. Mais alors, si ce n'est pas le Dahu, qui est-ce ? Est-ce que tu as une idée, Silverson ? Si ce n'est pas le Dahu, c'est peut-être celui qui l'accuse depuis le début. Oui ! Comment ça ? Moi ? Ou un deuxième Dahu ? Bouf. Alors, autant sur le Dahu, je te suivais, mais là... Eh ben, vous me décevez beaucoup, hein. Oui. Ouais, je préfère m'en aller. Bande d'ingrats. Franchement, ça me met mal à l'aise d'imaginer que notre concierge pourrait nous mettre en danger. C'est vrai, un type louche avec son œil fou, plein de cicatrices, une jambe de bois... Qui est ami avec un rat autant carrier. Oui, alors ça me semble un peu limite d'accuser sans preuve et sur le physique en plus. C'est la discrimination, je suis révolté. Ah, il est hors de question que ce soit le concierge. C'est vrai que s'il était coupable, il ferait des efforts pour sembler l'être un peu moins. Là, c'est trop flagrant. Je n'accuse pas, je propose. Mais j'ai ma petite idée sur tous nos accidents. Sérieusement ? Oui, mais c'est encore trop tôt. Je dois vérifier quelque chose. Tu peux pas nous faire ça ! On se donne rendez-vous le 24 pour la résolution. D'ici là, soyez prudents dans vos activités. Bonne soirée. Ah bah ça... Ça ne s'est pas passé comme j'imaginais. C'est toujours comme ça. Tu dois être déçu. Je ne sais plus si je dois être contente d'avoir attrapé un Dahu ou pas. Oh, dommage qu'il n'y ait pas de preuves. Oubliez le sac. C'est quand même idiot. Ah, qui dis-tu ? Qu'est-ce qu'il y a, Zilan ? Je peux couper l'ambiance. Le récit est fini. Oui, oui, c'est bon. Tu peux tout couper. Ok. C'est quand même incroyable. J'ai l'impression que Silverson a compris quelque chose. Et il ne reste plus que cette piste.